Salut à toutes et à tous, nous sommes de retour pour un 12e épisode de JT Foot. Comme les supporters toulousains, nous préférons en rire plutôt qu'en pleurer. Le TFC a marqué son premier but dans le jeu en 2020, mais sans succès. Face à Dijon, samedi, le TFC a enchaîné un 18e match consécutif sans victoire. Une nouvelle défaite 2-1 qui entraîne inévitablement les violets vers la 2e division. Nous tenterons de décrypter cette nouvelle performance avec nos chroniqueurs Victor et Thomas. Nous délivrerons les récompenses aux joueurs toulousains, puis nous nous demanderons si le TFC doit encore espérer se maintenir ou déjà se tourner vers la Ligue 2. Au sommaire, on parlera également d'un autre feuilleton qui anime l'actualité du TFC, le rachat. Les rumeurs sur le rachat du club vont bon train et Arnaud a mené son enquête. Ensuite, Axel vous fera faire le tour des déclarations choc de la semaine dans notre désormais traditionnel top d'éclat, puis nous testerons les connaissances de chacun avec un quiz préparé par Julien. Allez, fini la causerie, le JT Foot, c'est parti. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de JT Foot avec moi en studio Victor et Thomas. Salut messieurs, la forme, je vois que vous ne vous laissez pas abattre. Bah non, il faut pas, de toute façon, maintenant on a pris l'habitude, hein, comme on dit. Oui, bah tu m'aurais demandé si ça allait samedi soir, je t'aurais peut-être répondu différemment, mais là ça va mieux là. Ah bah écoutez, si ça va mieux, en plus on a quelque chose pour vous réconforter, puisqu'il n'y a pas que des défaites pour les équipes du TFC ce week-end, c'est l'heure du TFactu préparé par Simon. En effet Julien, on va essayer de commencer avec du positif et ça va pas plaire à Victor. Ce dimanche, les U17 du TFC ont infligé une claque au Stade Bordelais. Un 3-0 à domicile qui vient conforter leur deuxième place au classement. Pour ce qui est de leurs aînés qui affrontaient le SC Toulon, le match s'est soldé par un match nul de partout. Les U19 du TFC ont pris 5 points en 6 matchs et pointent à la 7ème place du groupe D. Et comme bien souvent on retrouve les habituelles défaites, pour les féminines à Montauban, l'addition est salée. 3 buts à 0 alors que le score était encore vierge à la mi-temps, la réserve essuie donc elle aussi un revers à l'extérieur en s'inclinant 1-0 contre Auch. Les Pichounes vont devoir s'employer pour éviter la descente en Régional 1. La ministre des Sports Roxana Maracineanu a annoncé que tous les matchs de Ligue 1 devront respecter l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Les clubs de l'élite auront donc le choix de vendre jusqu'à 1000 billets, jouer à huis clos ou encore reporter. Et pour finir, des nouvelles du possible rachat du TFC, la vente n'est encore qu'au stade de rumeurs, mais Arnaud vous présentera les coulisses des négociations qui seraient en cours entre le club de la Ville Rose et un groupe d'investisseurs sino-américains. C'est la fin de ce TFactu. Et c'est déjà pas mal. Eh bien, merci Simon pour toutes ces informations sur le TFC. Il est désormais l'heure de se pencher sur le match des pros face à Dijon. Oh Paris, oh Toulouse, oh Toulouse. Samedi soir à Gaston Gérard, les Toulousains sont revenus de Dijon avec une nouvelle défaite. Face à une équipe dijonnaise qui jouait pour s'éloigner de la zone de relégation, nous n'avons vu qu'une seule équipe qui s'est battue pour son maintien en Ligue 1. Pour son retour, Baptiste René a récupéré à deux reprises le ballon dans ses filets. Nous pouvons pourtant souligner le premier but des Toulousains dans le jeu cette année, Quentin Boigard a une nouvelle fois été le meilleur Toulousain sur la pelouse. Mais sinon, le nouveau 4-3-3 de Denis Zanko s'est caractérisé par son inefficacité offensive, offrant un bien triste spectacle pour un samedi soir. Messieurs, on se répète toutes les semaines avec les défaites du TFC, alors je vous demande ce que vous avez retenu de ce match. Bah, bien triste spectacle, t'as tout dit je crois. J'ai passé un samedi soir catastrophique, encore une fois à cause du TFC, ah, non, mais c'est un cauchemar. Franchement c'est un calvaire de regarder le samedi soir. Tu parlais de Nizanko, 4-3-3 donc ce week-end, la semaine dernière 4-4-2, il y a deux semaines 4-3-3. Alors oui, il y a des problèmes d'effectifs, je veux bien entendre. On était toujours en train de critiquer Comboiré quand il était là parce qu'il était il avait jamais la même tactique, jamais le même effectif, jamais le même compo, etc. Ben là, Denis Zanko, il est un peu en train de nous faire la même chose et ça marche pas du tout. Il manque quelque chose. Sur le papier, il y a des bons joueurs et ça ne prend pas. Tu es d'accord avec ça, Thomas? Oui, bah c'est ça le problème, c'est que ok, on a peut-être un effectif individuellement qui peut être intéressant, mais après là, quand on voit sur le terrain, on peut même plus parler de désillusion. Malheureusement, chaque week-end, c'est la même chose. Je tiens à rappeler une stat, c'est que le TFC n'a pas gagné encore une fois de l'année à l'extérieur. Catastrophique. Je pense que voilà, c'est catastrophique. Et même dans le jeu, on l'a vu. Je sais pas si ce que tu penses toi des performances de Saïd, de Gradel, voire même de Silla. C'est c'est pas au niveau. Hein, oui, oui, oui, c'est un tout même. On peut dire que c'est un tout. Il y a des individualités qui sont pas au niveau. Enfin, voilà, il y a certains joueurs qui sont très bons, qui étaient très bons, qui sont des bons joueurs et qui là, dès qu'ils sont sur le terrain, on a l'impression qu'ils ont plus envie. Ça manque de liant, ça manque d'âme. Comme d'habitude, l'animation offensive. Même le capitaine Gradel, pour toi, il manque. Surtout Gradel. Surtout Gradel, qui les saisons précédentes, qui était un peu au-dessus de tous les joueurs même, c'était le meilleur. Et là, t'as un Gradel limite énervé dès le début du match. Il a jeté l'éponge pour vous. Bah, le problème, c'est qu'en fait, il y a quand même un contexte. Hein, il revient d'une blessure. Là, il y a eu justement une brouille avec les supporters. Il a fait une réunion, histoire de remettre tout à plat. Il a payé le déplacement des ultras. Ok, c'est bien. Mais par contre, maintenant, c'est sur le terrain qu'il faut prouver. Gradel, ok, il a le leadership de cette équipe, il est censé être le meilleur joueur, mais là on n'a rien vu. Personnellement, ce match-là, il était pas bon du tout. Oui. Ça a été un des pires. Et puis je l'ai senti, je sais pas, moralement, mentalement, j'ai énervé là dès la 10e minute ou un quart d'heure de jeu, il s'énerve avec Baldé en face, le joueur dijonnais, et il s'énerve, il s'agace et ouais, voilà. Dès qu'il a le ballon dans les pieds, ça marche pas. Ouais, et il rate aussi une occasion très importante. Il y avait 1-1. Tout simplement, il est tout seul devant le but. Là, je sais pas comment il rate ce tir qui pourtant était charnière. Encore une fois, Toulouse a l'occasion de mettre le but qui peut les mettre à l'abri et qui peut enfin ramener peut-être 3 points. Il le rate. Qu'est-ce qui se passe quelques secondes après? Un but dijonnais. Oui, au moins un point. 3 points, je sais pas, parce que ça aurait été un peu compliqué. Mais un point déjà, si Gradel met ce but, voilà, on peut peut-être ramener un point. Toulouse peut ramener un point. Mais ce qui est affligeant, c'est cette animation offensive où, c'est Boisgard qui marque, il est au milieu de terrain, mais alors les 3 devant. Coloris, honnêtement, voilà, on lui accorde pas souvent du crédit, pas souvent la confiance. Et là, pour moi, personnellement, ça a été un des meilleurs Toulousains. Il a enfin prouvé aussi qu'il pouvait jouer un peu en mode pivot avec ses ailiers. Là, on voit sur le but de Boisgard, il a été assez intéressant. Bon, voilà. Enfin, c'est bien beau, ça no good ça, mais pour moi, Coloris doit être titulaire. Et ça, je le répète depuis le début. Oui, c'est pas le meilleur Coloris de l'histoire de Coloris, mais Saïd, les ailiers Saïd et Gradel. Waouh, c'est quelque chose. Hein. Saïd, c'est un super joueur de l'année dernière, il fait une super saison, techniquement en parlant, rien à dire. Et là, je pense que mentalement, il n'y est plus. Mentalement, il est loin. Souci, mais mentalement pour Saïd, mais est-ce que pour l'équipe complète, c'est quoi? C'est un souci totalement de mental, c'est lâché, c'est veut dire que on est déjà, c'est la question qu'on se posait. Est-ce que c'est déjà, l'équipe devrait déjà se focaliser sur son maintien, ou alors on a déjà pensé à la suite? C'est fini. Bien sûr. De statistiques, c'est simple. C'est que là, il reste, pour les 10 matchs qui restent au TFC, il faut qu'ils en gagnent au moins 9. Ils vont au PSG, il me semble. C'est la réception du PSG. Il y a aussi Saint-Etienne. Il y a des équipes comme Monaco à l'extérieur. Oui. Pour moi, justement, Zanko devrait se focaliser sur la Ligue 2 et commencer à faire entrer des jeunes, à essayer justement d'impulser une nouvelle ère, entre guillemets. Mais sincèrement, je pense que même depuis qu'il est arrivé, Zanko, c'est déjà un peu le cas. Alors, il le dit pas officiellement, personne ne le dit officiellement, mais le fait de mettre Denis Zanko en coach de cette équipe du TFC, je pense que déjà, ça voulait dire qu'on y pensait. C'est un mec de formation, c'est un très bon mec qui, je pense, qui gère très bien les jeunes. Mais je pense qu'à partir du moment où on a dit qu'on boirait out et Denis Zanko rentre, là, à mon avis, je pense qu'on pensait déjà un peu à la Ligue 2. Sûrement. Et puis même quand tu perds contre Dijon, ça veut tout dire aussi. Oui, voilà, je pense qu'il n'y a plus grand espoir. Hein. Même Baptiste René, en interview, l'a dit, clairement. Baptiste René a dit qu'il était même prêt à jouer en Ligue 2. Donc, même au moment où les joueurs ont lâché, même mentalement, c'est fini. Vous avez parlé de jeunes, messieurs, vous avez parlé aussi de Quentin Boisgard. J'en profite pour vous demander quels sont les joueurs que vous récompensez. C'est l'heure de remettre notre traditionnelle récompense. Vous allez peut-être être surpris par ma saucisse. Alors, est-ce que c'est Quentin Boisgard qui reçoit votre magré le meilleur joueur toulousain? Quentin Boisgard mérite ce titre, mais pour moi c'est Coloris quand même, parce que il serait temps aussi un peu de le valoriser. Je pense que il a eu beaucoup de périodes un peu compliquées, mais là il a fait un match correct et donc c'est un des meilleurs Toulousains. Ouais, moi j'ai pris Boisgard par contre. J'ai mis Boisgard parce que il a de l'envie, mais c'est depuis à chaque fois qu'il joue. C'est à chaque fois qu'il joue, même je dirais, il montre qu'il a envie. Je pense ça se voit même qu'il a l'amour du maillot. C'est un jeune joueur, il met un super but d'ailleurs en passage, il met un très beau but. Et même dans l'envie, dans ce qu'il a montré tout au long de la rencontre, je pense qu'il mérite clairement ce magré. Mais il a l'amour du maillot aussi, il a été formé au club. Oui, mais ça se voit. Puis voilà, forcément ça se déchire de voir dans peut-être que c'est ça qui manque à certains joueurs. Et donc du coup, selon vous, quel est le joueur qui a le plus déçu votre saucisse? Ouais, moi j'ai pris Max Alain Gradel. Bon, on se rappelle déjà la semaine dernière là, quand il sort en conf de presse, enfin l'interview d'après match où il dit que les supporters les supportent pas, etc. Bon. Il a dit, je cite, ouais, j'ai l'impression d'être 11 contre 13. Ouais, 11 contre 13, oui. Bah écoute, t'avais quand même un peu meilleur, tu vois ce que je veux te dire. Non, mais voilà, applique-toi, sois bon, et ensuite essaye de. Tu peux pas te faire passer pour une victime comme ça alors que t'es pas bon sur le terrain. Pas après, surtout. Voilà, essaye de montrer. Alors, ok, d'accord, critique les supporters, pourquoi pas. Mais par contre, derrière, il faut que t'assumes, il faut que tu sois bon. Et honnêtement, samedi, le match de Gradel, il est vraiment pas bon. Ok, bah alors moi j'ai choisi Silla, parce que bon, Silla, voilà, il y avait beaucoup de suspendus, donc il n'y avait pas trop de choix au niveau de la défense. Il y a Rorel qui a été titularisé, qui aurait lui aussi pu être clairement la saucisse. Mais Silla, voilà, c'est pas un latéral gauche. Ouais, pour moi, Rorel, on lui a déjà bien attribué plusieurs fois. Oui, en plus, mais pour moi, voilà, Silla, honnêtement, c'est peut-être un milieu gauche, forcément pas titulaire, mais là, latéral gauche, défensivement, c'était catastrophique. Catastrophique, mais pourtant, je vais peut-être vous surprendre, mais mathématiquement, on va s'appuyer sur des chiffres. Le TFC n'est pas encore en Ligue 2. Il reste 10 matchs et donc 30 points possibles. Si Amiens et Nîmes continuent sur leur rythme actuel, le TFC doit gagner 9 de ses 10 prochaines rencontres pour espérer se maintenir, comme tu le disais tout à l'heure, Thomas. Et ça commence dès la semaine prochaine à domicile. Donc, on va essayer de voir peut-être une réaction au Stadium et face à Metz. Allez, on enchaîne tout de suite avec les rumeurs de rachat. Depuis quelques semaines, les rumeurs de rachat du club se propagent malgré le démenti du club la semaine dernière. Certains évoquent l'arrivée d'investisseurs chinois. Bon, Arnaud, tu peux nous expliquer où on en est ? Oui, bah alors tout d'abord, c'est une information qui a été sortie par RMC et comme on pouvait s'y attendre, qui a été démentie par le club. Pourtant, Olivier Sadran, en janvier dernier, on se souvient, lors de sa conf de presse exceptionnelle, ne s'était pas opposé à un potentiel rachat et il serait en négociation avec un groupe sino-américain représenté par Chen Li. Alors cet homme-là, on le connaît bien, c'est un homme d'affaires qui est bien connu en Ligue 1 car il était l'actionnaire de l'OGC Nice avant le rachat d'Ineos opéré l'été dernier. Celui-ci disposerait désormais de 45 jours pour finaliser la vente. Une clause de confidentialité a été signée, ce qui peut expliquer tous les démentis du club qu'on a vus. Jeudi dernier, l'équipe avançait même un montant de rachat qui avoisinerait les 20 millions d'euros. Donc malgré tous ces démentis, le possible futur organigramme du club fuite dans la presse. Gauthier Ganaille, ancien président de Nice et ex-secrétaire général du RC Lens, pourrait devenir le président du Toulouse Football Club. Et d'après le site spécialisé de l'actualité du TFC, lesviolets.com, Gilles Grimandi, qui connaît bien les propriétaires sino-américains pour avoir travaillé à leur côté à Nice, pourrait être promu directeur sportif. Affaire à suivre donc, en espérant que ce rachat ait un effet bénéfique et qu'on puisse revoir le TEF au plus vite en Ligue 1. Et vous, là, messieurs, vous pensez que ce rachat peut avoir un effet bénéfique ? Je pense que faut voir après hein, comment ça se passe, mais je pense que ça peut que être bénéfique. Honnêtement, à chaque fois dans chaque interview, les très peu d'interviews d'Olivier Sadran, c'est en janvier là, la conférence de presse. Bon, ça se voit qu'il est très très ouvert à un rachat, et je pense vraiment que ça fait déjà quelques temps. Hein, c'est dans les tuyaux depuis quelques temps. Olivier Sadran, il est juste fatigué. J'ai l'impression. Enfin. Ce que tout le monde dit, de toute façon, ça se voit. Il est fatigué et j'ai pas l'impression qu'il ait envie encore de continuer avec le TFC. Et je pense que ça peut être que bénéfique, voilà, qu'il soit racheté. Bah écoutez, on va attendre d'en savoir un petit peu plus, mais la fin de saison du TFC sera sûrement animée. Sans transition, on enchaîne avec notre habituel top d'éclat. Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Ronaldinho, machin, chouette, rien à foutre. Bon, Axel, tu nous as déniché quelle pépite cette semaine ? Bonjour à tous, on commence avec la première en Ligue 1 de Zinedine Oul Khaled avec Angers. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui lui est arrivé. Non, dis-nous. Non. Alors écoutez, le joueur formé au club a fini avec le nez cassé par son coéquipier Romain Thomas. Il a raconté la scène en conférence de presse, on écoute son récit. Puis il y a Romain Thomas qui met un coup de coude dans le nez. Puis après j'étais sonné, je me rappelle depuis un. Et juste je me rappelle d'avoir dit PLS. Non, justement, je n'ai pas prévenu ma famille. Parce que ma famille, ils stressent un peu, quoi. Ils stressent beaucoup. Du coup, ma mère, elle a appris, je crois que quand j'ai vu le WhatsApp de mon frère, elle a appris vers la cinquième minute que je jouais. Et après, mon frère, il m'a dit carrément que, ma mère voulait appeler l'ambulance quand elle m'a vu au sol et tout. Alors qu'elle est à Paris. Mais... D'ailleurs, maman, je t'aime. Meilleure conclusion. Meilleure conclusion. C'était donc maman, vraiment très inquiète. Non, c'est beau, la conclusion est belle. C'est peut-être pas sa la première la plus réussie en Ligue 1, mais au moins en conf de presse on sent qu'il est chaud. Ouais, non il a été bon là, le petit maman je t'aime à la fin, c'est parfait. Et vous les gars, vous avez vécu des premières aussi inattendues? Je sais que vous tapez un peu le ballon quand même. En première, non, moi personnellement je crois pas. Ah ouais, non mais là c'est une première exceptionnelle. Non, pour un premier match, c'est vrai qu'il s'est cassé le nez d'entrée. Ouais, alors moi je sais perso, première en foot, on était à domicile, on a gagné 17-0. Ah oui, c'est beau ça. Ah oui, je pense que les... Ah oui, non, ça c'est bien. C'est une belle anecdote, ça, Axel. Ah, les parents qui ont amené leur gosse se prendre 7-0, ils ont dû se régaler, à mon avis. Allez, on poursuit avec Thierry Loret, qui nous enseigne ce que Matt Sells apporte au club. Bah, la semaine dernière, il a apporté des gaufres, c'était bien. C'était très bon. Non, c'est pas des blagues. Des petites gaufres que sa maman avait fait pour son anniversaire, et c'est un régal. Donc toi, ça c'est déjà bien, il apporte quelque chose. Non, mais il est énorme. Bon, après, il a nuancé. Hein. Là, ouais. Je le dis, il l'a nuancé derrière. Il a dit oui, il nous a aussi rapporté des points. Mais par contre, oui, là, le coup des gaufres. Commencer par les gaufres pour lui parler de lui. Oh, ouais, c'est bien joué. Fort. Oui, je suis un peu mauvais. J'ai un peu coupé juste avant ce qu'il dit, ce qu'il a rapporté des points. C'est vrai. Non, il est marrant. Bon, bon. Allez. Alors, dernière déclat, les gars. Ça s'est passé jeudi dernier après le match de Coupe de France Saint-Etienne-Rennes. On a vu beaucoup d'émotions en tribune et aussi dans la voix de Riyad Boudbouz. On écoute ça tout de suite. Je pense que c'est le plus gros soulagement de ma vie, parce que j'avais envie de marquer. J'avais envie de surtout marquer à domicile. Et lors d'un match comme ça, 90e, ça fait du bien. Franchement, on ne va pas se mentir. Je pense que c'est le but le plus important de ma carrière. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau. Non, c'est un bon joueur. Je pense qu'il c'est un bon joueur. Et je pense que c'est vraiment que c'est un mec bien. Moi, j'adore ce gars et ça se voit là. Ça se voyait que ça lui pesait. Ouais, Tu sens qu'il avait un peu touché là. Non. Exactement, il était touché. Il était au bord des larmes. Il était touché, ça se voit. Et franchement, ça fait plaisir pour lui. C'est vraiment un bon joueur. J'espère que ça va le faire un peu dégoûter parce qu'il fait une saison un peu en dedans de ça. À l'image de Saint-Etienne. Oui, à l'image de Saint-Etienne. Un but en finale. Oui, par contre, voilà, on retiendrait que ça. Ils peuvent vraiment se sauver la saison, les Verts, et à voir. Mais c'est rare quand même d'entendre un joueur aussi sincère. Quoi, ouais, il est sans filtre, là, ça se voit qu'il est sans filtre. Après, Riyad Boudbouz, c'est un peu un mec comme ça. C'est ça qui fait plaisir aussi dans ce football. C'est que des fois, il y a des joueurs comme ça un peu. Ouais, à l'image de Rami aussi qui sont. Des joueurs vrais, voilà. Bon, bah écoute, dis-moi, Axel. C'est ça, j'avais une petite dernière pour finir quand même. C'est la fin de ce top d'éclat, d'accord. Mais pour conclure, je vais vous laisser avec cette belle phrase de Fabien Lemoine qui, à mon avis, résume bien le foot. Chaque histoire a son match. Merci. Merci Fabien. Écoute, en plus, il est au FC Lorient, il vit une très très belle histoire en ce moment. Et merci à toi, Axel. Merci, Axel, de nous avoir déniché les petites pépites de la semaine. Mais comme vous le savez, malheureusement, JT Foot touche à sa fin. Il est désormais temps de conclure cette émission avec le traditionnel quiz. Et Julien, le maestro des questions, nous a concocté une série de questions pour tester votre culture sur les stades de Ligue 2. Alors Julien, pose-nous tes questions, allez, vas-y, on t'écoute. Allez, salut Julien, comme tu l'as dit, on va s'intéresser aux endroits où Toulouse a de très grandes chances d'évoluer l'année prochaine en Ligue 2, car même si tu l'as dit, il reste 30 points à prendre en théorie, écoute, on n'y croit plus, clairement. Donc on va réviser les villes, on va un peu réviser la géographie française dans ces petites villes, notamment de province, où Toulouse risque d'évoluer l'année prochaine. Prêt à découvrir la Provence. On va commencer, je vous dis le nom du stade et vous me donnez la ville, je pense que c'est plus simple sens-là. Ouais, c'est dur ça. C'est plus simple dans ce sens-là, honnêtement. Oui, parce que c'est vrai. Le stade Michel Dornano. Ah, ben. On était longtemps en ligne. Le Havre. Pas très loin. Pas très très loin. Pas l'Orient. C'est le club de Duprat. À Caen. C'est Caen, bah oui. Vous savez qui c'est Michel Dornano? Non, c'est pas le sujet du quiz. On s'en bat les couilles. Le stade Gabriel Montpied. Oh là là, ça élève le niveau. Ils sont en Ligue 2 encore, donc. Ils sont en Ligue 2. Alors, peut-être que ce ne sera pas le cas, parce qu'ils vont peut-être descendre. Ils vont peut-être monter. Pardon, ils ne vont pas descendre, ils vont monter, peut-être. Ah. C'est les centres de la France. Bonne équipe de rugby. Clermont-Ferrand, exactement. Gabriel Montpied. Okay. Qu'est-ce qu'on peut vous sortir encore? Stade Auguste Bonal. Ben Bonal, c'est Sochaux. C'est Sochaux, oui, exactement. Un club mythique de Ligue 1, qui a plus évolué en Ligue 1 qu'en Ligue 2. T'as souvent connu la Ligue 2, toi, en fait, Victor? Même pas. Ouais. Tu vois, je le suis. Le stade de Paul Lignon. Oula. Vous savez, c'est un club qui a aussi joué au Stadium de Toulouse cette année. À Rodez. Rodez, exactement. On risque d'avoir des derbies, peut-être au Stadium, oui, des deux côtés. Ça, c'est fort possible. Entre le TFC et Rodez. C'est fort possible. Eh bien, très bien, on va aller découvrir tout ça l'année prochaine. Donc, allez, le JT Foot, c'est fini. Merci à Julien pour nous avoir préparé au déplacement de l'année prochaine. Merci à tous nos chroniqueurs de garder le sourire malgré les défaites qui se suivent chaque week-end. Merci également à Clément, notre chef d'orchestre en régie. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, on croise les doigts pour voir enfin une victoire au Stadium d'ici la Ligue 2. Allez, à plus.